C'est donc toi le héros de la guerre qui a ainsi géré dans la vallée des Jedi. Je ne suis pas un Jedi.